Dans le salon du wagon, le prince René, enfoncé dans un fauteuil, regardait fixement filer dans le cadre de la vitre les ondulantes tresses sans fin des fils télégraphiques, où passait, emporté, l'immobile silhouette de quelques garde-voix, et s'abandonner à ses tumultueuses pensées, dont la jeune femme inconnue faisait exclusivement le fond. Cet être délicieux, qu'un hasard inespéré lui avait fait retrouver, qui voyageait dans ce même train, la perdre d'une seconde et définitive foi, cela eût été cruel, cruel oui, mais inéluctable, inéluctable. Plaît-il, Altesse ? Fit d'un fauteuil voisin, le général Gormas, le goût allongé. Rien, rien, je me parlais à moi-même. Quelques considérations de haute politique qui doit absorber le prince, se dit le général en ramenant discrètement ses yeux sur ses notes protocolaires. Inéluctable, se répéta le prince avec un profond désespoir. Comment empêcher, en effet, cet irréparable malheur? Comment? Dès l'arrivée, sur le quai même de débarquement, il allait être happé par les réceptions officielles, submergé par le protocole, bloqué, étouffé. Et elle, pendant ce temps, disparaîtrait à jamais. Ah, ne pas être un homme libre, ne pas avoir, comme tout le monde, le droit de guider ses pas, ses gestes, son cœur, au gré de ses aspirations, de ses sentiments, c'était trop bête. Rester ainsi, quand le cœur bat si gentiment, une sorte de potiche officielle. Il se leva. « Restez assis, Gormas, restez assis !»« Mais prince, l'étiquette, oh !» fit le prince excédé en arpentant nerveusement les trois salons. « Elle n'exige pas, j'espère, que vous ayez en même temps que moi des fourmis dans les jambes. Ce serait encombrant, restez assis. » Oui, c'était trop bête, quand le cœur battait si délicieusement, de rester. Il s'immobilisa soudain. « Dites-moi, Gormas, le prochain arrêt. »« La frontière, Altesse. »« Fort bien, un arrêt assez long. »« Une vingtaine de minutes, prince. »« La douane, n'est-ce pas ?»« Elle a parfois du bon. »« Quelque chose d'officiel, là ?»« La municipalité, vœux respectueux, bouquet, compliment. »« La fanfare municipale, sans doute. »« Je le crains, prince, » daigna sourire le général. « Fort bien. »« Il n'y a pas de mal à cela, au contraire. »« Quand arrivons-nous là-bas ?» Le général consulta sa note d'horaire, puis sa montre. « Dans 26 minutes. »« À merveille. »« Urbain. » Urbain, qui dans un angle du salon épluchait, vautrait dans un fauteuil, le dernier numéro d'un magazine humoristique, posa son journal et se leva. « Viens, » lui dit le prince en l'entraînant dans la pièce voisine qui était la chambre à coucher du wagon. 10 minutes plus tard, quand se rouvrit la porte de cette pièce, le général, ayant levé la tête, resta soudain comme anéanti par une subite et douloureuse consternation. Il voyait reparaître, n'osant croire ses yeux, Urbain revêtu de l'uniforme princier. Urbain portait à son côté la plaque de brillant de l'ordre de Saint-Dominique et à son col, juste Dieu, la toison d'argent. Par contre, le prince épousait de ses formes souples et libérées, de sa prestigieuse gangue officielle, le complet jaquette, d'assez bonne forme d'ailleurs, de son balai de chambre. « Altesse !» balbutia-t-il, soudainement dressé. Mais son Altesse n'avait cure en ce moment de ses balbutiements consternés, et se borna à installer Urbain, prodigieusement égayé dans son propre fauteuil, à placer devant lui sur la table sa boîte de cigares, et à inviter le général Gormas, sidéré, à se conformer en tout point au désir de son alter ego. « Altesse !» s'insurgea le général empourpré. « Au nom des services que j'ai pu rendre à la dynastie, oh, oh, oh !» J'ose espérer qu'il me sera permis de faire observer « Oh, oh !» respectueusement à votre Altesse que prêter ma haute fonction à cette « mon vieux Gormas !» prévint aimablement le prince. « Redressez ainsi devant moi votre dignité un peu courbaturée. Serait vouloir me rappeler que vous avez lamentablement passé la limite d'âge. » et me mettre dans la pénible obligation de vous faire, par un sans fil, dégommer. Oh ! Instantanément ! Cependant, Altesse, se redressa le général. Chut ! Chut ! Nous entrons en gare. Dès cet instant, ne vous occupez pas de moi, compris, n'est-ce pas ? Qu'Urbain soit traité comme moi-même. Prince, gémit Gormas, et il sera très bien devant des fanfares, des acclamations, des discours et des bouquets. Voyez-le déjà, le cigare au bec, avec ce sourire goguenard et le chapeau à plumes sur l'oreille. Il n'en sera par Dieu que plus populaire. Je ne serai jamais arrivé à ça, moi. Encore un coup, Altesse, je vous supplie, au nom du prestige de la dynastie, c'est mon désir. » Chancelant, le général parvint à faire claquer ses talons.